M'appelle pas à 3h du mat si c'est pour des hugs. Je suis sous weed et 8-6, obligé c'est l'heure des thugs. Bunny, que de la peine, de la passion pour enlever les bugs. Je ralentis, à l'époque n'était des sœurs assez vert avec Nadji. Descendait des litres de breuvage de zombies comme par magie. Elle voulait plus que du sexe, donc elle niquait le mood. Je lui ai montré le GPS, y'a d'autres négros là sur la route. En V2V, c'est temps, si j'ai pas le temps, tu me parles de tes kings. Actuellement, cherche à transporter les fonds un peu comme la Brinks. Au départ, voulait pas Pera avec ses bâtards Sting. Système aussi corrompu, je fais chanter la police comme Sting. Yeah, smoking and drinking. Si tu veux te donner un peu stinky. Car j'avoue, bébé, tu m'as piqué. Je sais que je suis toujours bien équipé. Yeah, smoking and drinking. Si tu veux te donner un peu stinky. Car j'avoue, bébé, tu m'as piqué. Je sais que je suis toujours bien équipé. Je sais que j'ai des dingueries. Viens, on tease et on oublie. Ainsi va la vie. Si tu veux hang à l'entrée, faut que tu déclares tes intentions. C'est participatif, qu'est-ce que tu ramènes à la fonction? Les règles changent à tout moment, tu coco sa discrétion. 91 en stat minimum, fais voir ta finition. En vrai de vrai, ils peuvent pas hang, ouais c'est moi l'avatar. Il faudra plus qu'un gilet pour stopper cet élément bâtard. Le flow est dérangé, F la poussière sort du placard. Bref, c'est au deuxième, envoie un message quand t'es sur le boulevard. Si tu veux te donner un peu stinky. Car j'avoue bébé tu m'as piqué. Je sais que je suis toujours bien équipé. Yeah, smoking and drinking. Si tu veux te donner un peu stinky. Car j'avoue bébé tu m'as piqué. Je sais que je suis toujours bien équipé. Smoking and drinking.